La chronique de l'instructeur des castors de Dolbo Mistassini est une commandite de Sport Expert de Dolbo Mistassini. La saison hivernale est arrivée et le magasin Sport Expert vous offre une vaste gamme de produits en inventaire pour vos sports d'hiver favoris. Une équipe compétente est là pour bien vous conseiller. Surveillez notre page Facebook pour nos différentes promotions. Sport Expert, 1361 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini. Le propriétaire du magasin Sport Expert, M. Stéphane Leroyer, souhaite une bonne année aux castors et invite les partisans au match de notre équipe locale. On va parler des castors de Dolbo. On rappelle que cette chronique est une commandite du magasin Sport Expert de Dolbo. On parle avec l'instructeur-chef Robin Mouliane. Salut Robin. Salut Danny. Robin, d'abord, ça a bien été à Baie-Comeau. Beau voyage, 3 victoires. Puis ça, vous couchez là-bas, donc c'est une belle occasion également de solidifier les liens, comme on dit. Oui, c'est en plein ça. On est parti samedi matin à 6h. Donc, on est arrivé là-bas assez tôt quand même. Donc, on avait beaucoup de temps pour se préparer. Puis ça a permis aussi aux jeunes, comme tu l'as dit si bien, là, de cimenter, ça a cimenté un peu l'esprit d'équipe. Ça a été une victoire assez facile. Il y a une victoire difficile, mais les autres, c'était très, très facile. Oui, ben le premier match, je te dirais que sans dire, l'effort était quand même là, des gars, mais c'est des petits détails. Le niveau de concentration était moins présent. Okay. C'est vrai qu'on faisait moins les petites choses, on créait des revirements, donc ça lui a donné plus de chances de marquer. En fait, ce qui a fait en sorte là, c'était plus serré. Donc, on venait 5-2, ils ont monté ça 5-3, 5-4. Donc, on a réussi à résister, à lui pousser. OK. Là, en fin de semaine, donc, vous avez aucune défaite depuis le début de la saison. Le moral des troupes ne peut pas être meilleur que ça, là. Oui, le moral des troupes est bon, mais en même temps, tu sais, c'est le danger, c'est de s'asseoir, s'asseoir là-dessus. Puis, c'est ce que je dis aux jeunes. D'être au cap, c'est une chose. De rester au cap, c'est là qui est le plus difficile, là. Parce que, là, évidemment, quand on affronte les autres équipes, ils regardent tout le classement, ils voient où est-ce qu'on est. Donc, et s'ils veulent nous battre, ils vont travailler. Donc, c'est ce qu'ils font aussi, c'est ce qu'ils vont faire aussi au cours du match. Donc, plus on va avancer dans la saison, plus les matchs vont être difficiles à gagner. D'où l'importance de garder le focus sur les pratiques et les entraînements. OK. En fin de semaine, c'est le showcase. Très belle initiative de la Ligue GMS. Ça fait vraiment en sorte de mettre, en fait, de toutes les équipes vont se rencontrer à la même place. C'est pas mal le fun, ça. Oui, bien, ça permet de promouvoir la Ligue, de mieux faire connaître la Ligue aussi. Puis en même temps, ben ça sauve aussi, il y a des économies aussi à faire pour les équipes qui viennent de l'extérieur, comme Baie-Comeau va affronter à deux reprises Chibougamau. Même chose pour Sept-Îles. Donc oui, non, c'est une bonne initiative. OK. Hey, vos tournois, c'est quand? Vous allez toujours à Saint-Anselme, c'est ainsi de l'année. Est-ce que vous y allez encore cette année? Oui. Saint-Anselme, c'est pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine. OK. Donc ça, c'est un beau tournoi aussi. Ouais. Là. Oui, absolument. C'est deux années en ligne qu'on y va, donc la troisième année cette année. Puis, en tout cas, on veut pour une fois rapporter le titre de ce tournoi-là. Puis c'est un maudit beau petit village. T'sais, ça me fait passer à peu près à Normandin, à peu près. Oui. Donc, c'est vraiment beau. On s'en reparle. Belle organisation. Hein. Oui, belle organisation. On s'en reparle la semaine prochaine, Robin. Parfait. L'instructeur des castors de Dolbo rappelle que cette entrevue est une commandite de Sport Expert de Dolbo.